destruction de l'âme. Il n'y a plus de bien physique. Construction de l'âme, il n'y a plus de bien physique.